Hyper Naturel et Brother Angel représentent le Chapaland, dit dédicace au créateur. PS, on pourra avoir des petits animaux. Yo, tous les sapatos et les sapatas, reviens en force, c'est la comeback à la Rocky Balboa. Depuis 3 mois, du rap gentise, mon son n'a plus rien de banal. Je suis pas revenu pour glisser sur une peau de banane. Du talent en voie d'extinction, attention, je reviens, prudence à l'excitation. IPR, pas assez vieux pour mourir, mais assez pour écrire, vous envoie son meilleur flow. Vous pensez que c'était la fin, pourtant je reviens voir un chum comme une droite à la Mac Tyson. Ça fait mal, c'est plus lourd, c'est classé Chaparab style. IPR, du talent coule dans mes veines, mais ici c'est pas la scène, il faudra que tu comprennes. Nous, c'est la Charente maritime pour les intimes. Ma musique sort pas d'usine, tout ce que je dis sort de ma poitrine. Je débite comme une vieille machine, tout ça je me l'imagine, ça vous fascine. Je suis pas revenu dans le game pour la péter, mais juste parce que Chapaland m'a demandé de rappliquer. Je m'inspire des grands rappeurs, c'est pas pour ça que j'en ai peur. Moi je suis juste un petit tease qui veut se faire écouter. Parions toujours au B. On m'a dit que des Mickey envahissaient les ondes, c'est pour ça qu'on est là. On déchire tout entier avec nos frondes. Les brothers en force, c'est une cartouche fatale. On lui troue le torse, on le met sur la touche. Vous réclamez du son, on vous envoie une bombe atomique. Interdit moins de 16 ans, le Chapaland est dans la street. Le Chapa King s'assure avec les brothers Angel. Préparez-vous au freestyle, les anges vous donnent des ailes. Hyper Naturel, aussi féroce que le roi de l'archipel. On est revenu pour chasser les vieux démons et colmater le trou de l'archipel. Je vois qu'on a essayé de nous détrôner, mais personne ne nous a oublié. Hyper Naturel, débarque pour grand rappel. Les deux géants de l'archipel. Je suis pas revenu dans le game pour me la péter, mais juste parce que Chapaland m'a demandé de rappliquer. Tirael, toujours OP. Voilà du rap live, voilà du rap free fight. Un rap à qualité, un rap délicat. Avec ce son, on se passe au patronat à coups de coups là. On découpe les adeptes de la Section Born Academia. Voilà du rap live, voilà du rap free fight. Un rap à qualité, un rap délicat. Avec ce son, on se